problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, numéro 102! Oh! Wouhou! Yeah! Alors, 102, hein? Hey, juste avant de commencer, on est à peu près le 22 décembre. Exactement. 22 décembre! On n'est pas loin de ça. Oh, tout le monde trippe, c'est les parties, c'est, on s'amuse. On vous souhaite joyeuses fêtes. Et on vous dit qu'on on va prendre deux semaines de pause. Ah, bien mérité, hein? Et on va revenir le 12. Toi, Antoine, le 12 d'août? Je pense. Oui, oui, en passant, je suis en spectacle ce soir, le 22 et 23, au cabaret de Noël à l'Espace Libre, si jamais ça vous tente. C'est un cabaret un peu foufou, avec des affaires comiques. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais ce soir, je te dis, là, on vite, est pas ce soir, là. Oui, okay. On enregistre ça le matin. À l'Espace Libre. À l'Espace Libre, exactement. C'est proche du City Bar qu'on a parlé dans un problème l'autre fois. Oui. Allez, fuyez l'odeur, ça pue un petit peu moins. Allez vers l'Est, c'est juste avant que ça recommence à puer. Au métro juste Joliette, ça... c'est juste, juste avant que ça sent l'éclat. Folhomme et Ontario, hein? C'est ça, exactement. Oui. Moi, j'avais demandé à Antoine, j'ai su que pendant ces deux semaines-là, tu allais, tu avais un projet de quête initiatique, hein? Oui, Compostelle. Compostelle? Absolument. De reculons. La grosse affaire. Compostelle à quatre pattes. De reculons. Reculons. Pas à quatre pattes, de reculons. Ben, les deux, t'es pas gang? C'est quoi le style? Hey, Antoine, tu me mets-tu au défi? Ben oui. Ben, c'est fait, mon gars, de reculons à quatre pattes. Ta gueule. Bon. Ça commence bien, c'est en deuxième. Alors, on a déjà sur Twitter des... Il arrête pas. Éric écrit « Joyeuse fenêtre, les gars ». Joyeuse fenêtre. C'est notre archiviste. Alors... C'est vrai. Oui. Donc, on a des confrères qui font d'autres podcasts de la podosphère. Ah oui? Oui. Et il y a les geekers qui nous ont déjà envoyé un shout-out dans un de leurs podcasts. Ouais, merci. Eh bien, nous, on leur répond avec des solutions à un problème proposé par le geeker. Oui, qui exactement. Qui est Jean-Philippe. Ah, hey, j'ai-tu oublié de vous présenter? Frédéric Barbouchi, en compagnie d'Antoine Vizina. Ah, salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Et Mathieu Bouillon. Salut. Bon, ben c'est fait. Bon, c'est fait, voilà. Okay, donc voici le problème live de cette semaine, à moins que la personne veuille venir le lire. Comme ah Fred ben oui, disait. Tu veux ben oui, venir viens le lire. Ben oui, viens t'en. Ouais. Ah, il s'en vient dans le groupe avec sa pinte. Homme de radio. Yeah. Est-ce que tu t'en rappelles? Attends, je vais te montrer ça, mon cher. Hello. There. Bonjour, Éric de la commission des geekers. Salut, Éric. Salut, bienvenue. Enchanté. Donc, j'avais un problème. En fait, nous avions un problème, nous, les geekers. Nous avons un podcast. On a un podcast, d'ailleurs. Les geekers, vous pouvez nous trouver sur iTunes. Sur iTunes. Ouais. On a un album spécial Noël. Vous écoutez ça avec la famille. Wow. On a réinventé Noël. Wow. Ça se peut réinventer l'annonciation, Noël. L'annonciation, la conception, la naissance de Jésus. On a tout reconceptualisé le tout. OK. Hey. Excellent. On a conceptualisé des jouets, si je ne m'abuse. Puis, quoi d'autre, Israël? Le Père Noël? Ouais, on a revampé le Père Noël aussi. Enfin. Tout ce concept-là. Pim, wow. Mon Père Noël. Un peu de nostalgie, un gros 2h30 donc, sur iTunes. Parfait. Mais on a un gros problème, puis on pogne. On a des jobs, entre autres. Parce qu'on ne fait pas juste être des podcasteurs. Et on se disait, party de Noël, comment s'assurer de ne pas tromper son conjoint ou sa conjointe? Dans un party de Noël. Donc, on peut être tenté, il y a de la boisson, des situations qui sont non particulières. Donc, on a besoin d'aide. Là. OK. Ah, très bonne question. Oh, oui. Tu veux dire, à part tremper ton pénis dans le tabasco? Ben, c'est déjà une solution. Mais ça, tremper, c'est tromper. C'est du pareil au même. Ben, c'est ça, qu'est-ce qui est trompé? Est-ce qu'une pipe, ça compte? Bon, j'ai beaucoup trempé dans le bon, temps. Bon, joyeux Noël à chaque semaine. Oui. Oui. Si j'avais besoin de moi, on va te faire signe. Excellent. Merci. Va parler avec les filles. On peut l'applaudir. Oui, merci. Ah oui, est-ce qu'on a un Noël explicite? Non, mais tu sais, on a eu un podcast. Bon, on a plus qu'un, mais officiellement. C'était lequel qui était explicite? C'est Tabarplotte. Tabarplotte. Ah, Tabarplotte! Oui, le gars qui crie, il est arrivé. Oui, on s'ennuyait, merci. Yeah! Hey, moi, j'avais mal lu le problème. Ah oui? Ah oui? J'avais lu comment s'assurer de ne pas se tromper de conjoint-conjoint dans un party. Non, mais tu sais, l'affaire que tu commences à parler à quelqu'un, tu dis, oh mon Dieu, c'est pas ma conjointe. Puis il avait tout fait une mais recherche elle est là, quelque part. Historique. Non, mais je préparais, tu sais, il y a des petites bagues sur les coupes, là. Ouais. T'sais, tu pourrais identifier ta conjointe, tout ça. Je suis dans le champ complètement. Tu peux mettre on une parle de fourré, là. Oui. OK, go. Ouais, t'es fourré. Ouais. Alors, complètement. Fait que, mais toi, tu parlais de mettre des bagues, tu sais, les petites bagues à coupe, les mettre sur des couples. Oui, exact. Ah. Sur ton pénis. C'est tout ce qu'il y avait sur tes notes, ce jeune. Non, moi, j'ai... non, à date, ma première solution, c'est être un vieux garçon aigri et solitaire. Comme ça, tu t'assures de pas tromper personne, tu sais. Puis que... Ouais. De pas être aimé trop par personne non plus, puis, tu sais. Non, mais là, on a affaire à des, comme Scrooge. Des gens qui pognent. Scrooge, ou... Scrooge, il se pognait pas d'autres mondes à Noël. Mais ben, je pense qu'il avait ses vues sur le fantôme des Noëls passés. Moi aussi, ouais. Je me suis rendu compte de c'est ça. C'est sûr, là, le jeune est faible, là, c'est clair. Ah, ils ont Scroogé toute la soirée. Ils ont tabarploté le fantôme. Devant Tiny Tim. Dans le premier wagon. Fred! Oui? Je pense que tu as touché quelque chose d'important. Quoi? Au niveau psychologique. La limite. Ben, si tu arrives à te convaincre que ce que tu es en train de faire, c'est pas tromper, tu trompes pas. Ah, ça, c'est le test du détecteur de mensonges. Mm. C'est-à-dire, si tu es capable de passer un détecteur de mensonges puis de dire, mais non, je t'ai pas trompé, ça passe. Parce que tu l'as pas trompé ou parce que. Ah, ben oui, si le détecteur de mensonges. Si t'es sûr de ton affaire, je t'ai pas trompé. Mais ça, tu peux-tu comme t'acheter un détecteur de mensonges? Je suis tombé dans sa noune. Tu peux louer Patrice Lécuyer, peut-être? Toi, Fred, tu veux dire une partie de cachette qui a mal viré ou... Non, mais, tu sais, si t'es convaincu que ça, c'est pas trompé ce que tu fais, c'est-à-dire se frotter tout nu sur quelqu'un parce que c'est un jeu de bureau... OK. qui va un peu loin. Ben, c'est ça. Bon. Avec de l'huile... Mettons le party de Noël de Lululemon où tout le monde fait du yoga, soudainement... Ben, c'est ça. Un polar fin, l'erreur est arrivée si vite, je me suis rendu compte de rien. Si dans ta tête... On s'en rendait pas compte à cause des kits. Si dans ta tête, ça sonne pas de cloche, oui. C'est pas digne de mention. Okay. Oui. Mais oui, mais mettons qu'on commence, si on veut bien prendre un problème, qu'est-ce que serait la définition de tromper? Est-ce qu'on parle d'un acte sexuel complet? Est-ce qu'un French... Ben c'est ça, mais ça dépend de chacun. Là. Quelqu'un Frenchie, ça va être trompé. Ouais. Quelqu'un d'autre va dire... Attendez, on parle de limite. Il y a la notion du party de Noël. Embrasser au party de Noël, ça fait un peu partie de l'affaire, j'ai l'impression. Ce party où tout le monde est extrêmement sous. Ouais. Amener ça arrive en joke ça ou pas. Ça fait partie de l'affaire. Non, mais je regarde quelqu'un dans la salle, d'ailleurs, un party de la Lui, il y a très longtemps, de Noël, où c'était arrivé exactement entre nous même. Éric. Genre que ça arrive. C'est Éric, hein, c'est ça. Peu importe, là, c'est tout. Juste peut-être pour ressaisir là, au niveau de la question, on s'entend que, OK, on est une. Disons que je suis dans un. Je suis dans une relation, okay? Et je suis dans un party. Ouais. Okay? C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se passer, mais on parle du prix de confiance entre moi et ma copine, fiancée. Ouais. OK. Donc. Ça va trop loin. Tout est subjectif, mais tromper, on pense de briser la confiance de la personne avec qui je suis. Avec qui j'ai une relation. Donc, comment pas le faire? Ça peut être autant émotionnel que physique. Bon, on s'entend qu'un gars trompe pas mal plus physique qu'avec son cœur. Bon. Une mesure simple... Parle pour toi. Une mesure simple, c'est d'enrayer toute trace de Guy. Car souvent, le Guy incite à embrasser. Moi, je sais, mon oncle Guy, il me prenait sur ses genoux. Souvent, il disait « Guy est tannant ». Tu t'embrassais en dessous du Guy. Tu t'embrassais en dessous de mon oncle Guy. J'embrassais sous Guy. Sous Guy. Des contraintes... Oui, vas-y. Tu reviendras. Bon, mais à la base, là, des contraintes physiques, bien claires. Oui. On parle ceinture de chasteté. Absolument. Il y a probablement quelques pilules à prendre qui peuvent créer l'inverse là, du Viagra qui t'empêche d'avoir toute inhibition. Le Mortagra. Oui, on pourrait... c'est très vendeur. Ouais, tu sais, peut-être... Si t'as une entente avec ta blonde... Juste faire une petite parenthèse, tu sais, pendant ce temps-là, justement, mettre ton cellulaire proche de ton pénis pendant les deux semaines de Noël, peut-être essayer de... Ben non, mais mets-toi là dans le de micro. De fourrer ton téléphone, je comprends. Non, mais pour... Les ondes. Ah, ouais, oui. Mettre un pyjama de Noël, une pièce. C'est dur à enlever quand même. T'as le temps de réfléchir. Mm-hmm. Ouais, ouais. Continue, Antoine. Oui, je continue avec grand plaisir. Je toi, Antoine, je pense que un... Mon pyjama de Noël. Non, mais je sais qu'en Noël, Noël 2003, tu m'avais dit que tu t'étais coupé le pénis pour la période des fêtes et tu l'avais recollé à l'Épiphanie, le 6 janvier. Oui. Non, il l'avait mis mais dans le gâteau. C'était pour d'autres raisons. Mais ça... Ça a-tu marché? Il y a quelqu'un qui l'a avalé. Il était, il était trop petit. Son graine, hey, arrêtons de parler de mon petit pénis. Voulez-vous une seconde? C'est possible de... J'en profite pour saluer ma mère. Je compense avec trois couilles. Mais cette année-là, t'as pas trompé ta blonde. Bon, hey, là, c'est un petit peu juridique, là, mais c'était une entente. Hein, comme ce fameux film là, récent. La jurée. Toy Story. Non, non, mais tu sais, non, mais avec sa femme, puis il dit on va se marier, mais je te donne une semaine, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ouais. Donc, en théorie, c'est pas. Hall Pass. Tu donnes une zone, tu regardes, là. Le film, c'est le moins probable au monde. Pète une coche, pogne pas de maladie, là. Calme-toi une heure. Mais ce qui se passe là, bonsoir. On n'en parlera plus jamais. Ah, puis en passant, tes affaires sont déjà dans la rue. Ah, ouais. Ah, il y a ça, moi. Ah, pourquoi pas donner à ta conjointe un cadeau très impliquant, une affaire comme justement un nouveau téléphone, quelque chose comme ça, puis dire on va s'envoyer des textos toute la soirée. C'est un peu toujours quelque chose qui fait qu'elle a le goût de taponner ou un iPad, une gogos. Là. Oui. Ouais. Pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai eu un message, il y a des policiers qui recherchent les feuilles de notes de Mathieu. par rapport. Tu veux dire son Internet. C'est mon Internet. Page web. Sur Twitter, on a des solutions. Guillaume Chalette a écrit va juste dans les parties de ta famille. Hein? Et ben, il y a des gens que ça n'arrête pas, ça. Encore que, ouais, c'est ça. Ça peut brasser. Hey. Mais tu casses juste avant. Là. Vincent vient tout juste d'écrire faire un party médiéval et se déguiser en chevalier en armure très complexe ou très un bon. Party seul. Oh. Ça, tu peux te tromper, ça. Charles écrit traîner avec soi une moufette. OK, on dit ça! Charles, c'est le cube. C'est le cube, merci. Tammy a écrit « Portez nos bobettes de lavage ». Je ne sais pas, j'ai pas ce système-là chez nous. Non, non, très bon. Ah, ben les bobettes que tu as tout le temps. Ah, il fait encore ça, Antoine! Qu'est-ce que je comprends pas? Samuel a écrit « N'y va pas, ne bois pas trop, sois pas conne », en pensant que tu étais une fille. Voilà. Et il y a Frédéric qui écrit « Comment s'assurer de ne pas tromper... » Ah, c'est moi. Oui, mais voilà. Ça, mais si techniquement, on n'est plus avec son conjoint, conjointe, t'es correct, alors t'as le manteau sur le dos, « Hey, je m'en vais, c'est une petite soirée tranquille. Hey, en passant, je te laisse. Tu pars. Quand tu reviens, tu fais « Hey, je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé. On reprend-tu? » Et techniquement, en cours, t'étais plus, ça tient la route. Quelques larmes ont été versées, peut-être. Ouais. Un cœur froissé, mais maudite belle soirée. Tu débarques, je suis célibataire! Ah! J'ai le goût de... Moi, j'ai danser! Peut-être une idée. T'sais, si ta blonde ou ton chum t'aime vraiment, il ou elle va te pardonner une écartade, mettons. Un Noël. Une écartade. Mais le... C'est beau, ça a l'air d'une encyclopédie. Oui. Mais le truc pour en profiter, c'est que cette écartade-là contienne un nombre incalculable de gens. Donc, un orgy Christmas party. Donc, tu ramènes l'idée des coupons. Oui, les coupons, ouais. Oui, ça peut être bon, ça. Tu sais, mettons, tu as droit une fois de me tromper, mais je veux que ce soit avec 40 personnes, mettons. Comme ou ça. Juste battre le record, genre, de Houston, puis les porn stars là, qui passent... Ah, c'est dégueulasse. Le monde de répétition. Ouais, Frédéric. Ah, mon Dieu. Oui, j'avais quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Quand on parle d'orgie, la mémoire flanche. Ah, c'est drôle. Non, mais ça, je me disais, bon, on va y aller dans le podcast explicite. Oui. Puis la solution du Funky Pen. Funky Pen? Oui. Non, mais tu sais, quand tu pues... Oh! Va pas là, friend. Si tu pues... Non, mais tu peux pas là. Mais tu pues du bout du bas? Si tu pues... Non, mais attends, toi! Non, mais allons-y! What? Tu pues du bout attends, du bas? Attends, dans le beurre à l'ail, mais... Oh. C'est... Non, mais... What? OK, Antoine, tu pues... Je suis là, j'ai du beurre à l'ail. Je suis chez moi. Toi, je me prépare à partir pour la soirée. Tu pues à la base, OK? Là, je dis non, je laisse pas. Tu pues à la base. À la base, je pue. Okay, ça repousse pas la personne qui te fait des avances. Tu dis non, non, non, je suis un gars. Je suis un gars fidèle. C'est le temps des fêtes, je sais. J'ai mis mon pénis. On peut se décoter un beurre peu. À l'ail. Mais. Elle adore l'ail. Elle adore l'ail. Elle capote. Mais tu prends pas de chance. Dans l'ail! Mmh. Tu prends pas de chance. Tu comptes ça avec d'autres. J'ai un trucs. Coupon. Je peux. Il faudrait que vous soyez 40. Bouge pas! À part un train. Un train tout nu. Hey, ce party de Noël-là, là. Regarde. J'ai pas été invité. C'est ça, pas de problème. On propose des solutions. Elles sont pas toujours bonnes. Hein? Non. Ouais, Mais tu mets ça dans ton portefeuille, Funky Pen. Ouais. Funky Pen. On mangeait de la fondue, il y avait plusieurs sauces, puis pas de cuillère. Ouais. Il a fallu que je brasse les sauces. Arrête, arrête. Ouais. Hey, il y a aussi quand même là, prier pour demander au petit Jésus de nous donner la force d'assumer le serment qu'on a fait avec cette personne-là. OK. Non, mais c'est sûr qu'il faut pas que le party dure trop longtemps. Ouais. Tu peux être un casseux de party, là. Ouais. Tu fais tout pour casser le party, parle trop fort, couche avec une fille, non, ça marche pas. Mais ouais, non, ouais, mais ouais, attends, je pense que je sais. Parce que, justement, tant qu'à casser le party, fais-le dans l'autre sens. Tu te beurres le pénis. Non. Tu te. Vraiment, t'en vires une. Vraiment grosse. Une table à plot. Puis. ça fait rire tout le temps. Et. Mais là, tu sais, t'es plus. T'es hors d'action, là. Tu sais, c'est vraiment désagréable. C'est qui le gars couché dans le coin, dans son vomi? Mais techniquement, on parlait de légal aussi, c'est revenu dans d'autres podcasts. Si tu passes une espèce de point là, de non-retour, oui. Tu peux plaider que c'était pas toi. Là. Oui, exact. Mais complètement chippé. Là. Ah, tu veux dire j'ai été violé. Blackout. Fut un Noël où on m'a violé. Drogue du viol. Drogue du viol dans le punch. Tout le monde. Mais une aussi, si tu racontes à ta copine que le lendemain, tu fais « Écoute, tu me croiras pas. » On était 120 personnes. Ouais. Les 60 gars s'étaient trempés ça dans le beurre à l'ail. Mais tout le monde a couché avec tout le monde. Il y avait quelque chose dans le punch. Moi, je pense que ça passe. C'est comme le classique de Nat King Cole, là. Si tout le monde le fait... Non, faut pas que je chante ça. Ça va pas drôle. Vas-y, Mathieu. Chestnuts raping on an open fire. C'était, j'avais dit qu'il fallait pas que j'aille à la chambre. Mais il y a toujours, le côté... comédien, hein, devenir comédien. Quand on est comédien, on a l'occasion d'être quelqu'un d'autre. C'est vrai, tous les comédiens sont menteurs. Ça. Non, mais de jouer. Tu parlais tantôt que vous aviez pimpé le Père Noël. Ben, peut-être qu'un des Pères Noël pimpé est justement le Père Noël qu'il faut. Non, Port mais, Noël? Le Port Noël. Non, mais... Le père vert. Ou celui qui, justement, a le suit pas de zipper. Oh. Tu y rentres une fois, tu ressors jamais. Oh. C'est quoi ça? Hey, garde, ouais. Je cherche. Le Père Noël vide son sac. Oh. Wow. Il a des joujoux par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir! Non, mais tu choisis ton monde au party. Tu choisis ton monde. Tu tiens avec la comptabilité, peut-être les groupes moins populaires, c'est ça, là, tu la compagnie. Tu parles au niveau du travail. Là. Mais ce qui est dur avec un party de travail, c'est que ça fait un an qu'il y a une espèce de tension sexuelle énorme avec certaines personnes. Avec les gars de la comptabilité? Ben, surtout avec les gars de la comptabilité. Ouais, je comprends, il y a quelque chose. Le look cache quelque chose. Ça fait quelque chose, là, mais... Je pense que j'ai la meilleure solution sur toi. Ah, ben, mais vas-y. Non, ça va, vas-y. OK, Smash Up qui a écrit « Avoir une horloge attachée en avant de sa face pour être sûr de ne pas partir trop tard. » C'est une erreur. Elle, on l'aime. Du problème de Delphine Bienvenue, hein? Qu'est-ce que ça nous venait? Ouais. Le temps passe trop vite. Qui est avec nous ce soir? On l'applaudit! Ouais. Wouhou! Elle est la bienvenue! Hey, cela dit, petite parenthèse, c'est très drôle de voir des faces animées qu'on est habitué de voir en petit carré sur Facebook. Oh, hey, j'en profite pour vous annoncer, après l'enregistrement des podcasts, c'est le party de Noël. Pas de problème! Yeah! Oui! Il me regarde puis il me fait des yeux cochons. Ben oui. Ah non, j'ai plein de trucs pour me Antoine retenir. A vraiment le casting du porc Noël. Oui. Ah, le porc. Mais je pense qu'une des meilleures solutions serait de d'organiser le party. Ça, c'est chiant. Puis t'as jamais le temps oui, de faire quoi que ce soit. Tu peux pas fourrer. Si tu l'organises. Oui, oui, parce que t'as un punch à servir. Mais t'as peut-être plus de monde qui vient te fourrer, là, parce qu'ils font « Ah, il est donc bien gentil. » Ouais, mais t'sais... Mais t'offres un neuf service, là, quelque chose de très, très long, là, t'sais, où tu te fais vraiment chier toute la soirée. Chez vous, faut que tu ramasses. T'es... Oui, c'est vrai que c'est très pertinent, comme « Ah, oh, il a fait des beaux centres de table, je le fourrais. » Ouais, vraiment. Son aspect qui était très sensuel. Je le fourrais. Il y avait tellement de cornichons sur la table. Ce sont des signes qui ne mentent pas. Le trou normand. Le trou normand. Ah ouais. Bon amant. Pogne-moi le tout. Charles a écrit toujours se rappeler Don't fuck with the payroll. Hein. Oh, les parties de bureau. Oui, ouais, c'est touché. Les parties de butro. Ouais, mais... Oh, mais j'ai une question, Eric. Tu travailles où? C'est quel party qui te fait le plus peur? Ben, en fait, là, c'est hypothétique parce que je travaille avec une très petite équipe dans le domaine culturel. OK. On touchait les petites équipes. Ouais. Non, les culturels aussi. Ouais, ils sont tous dévergondés. Il n'y a pas vraiment de personne avec qui je serais prêt à aller franchir le mur du beurre à l'ail. Là, ou à jeun ou avec alcool? Ouais, parce pardon? Que... Tu veux dire, sous l'effet de l'alcool, est-ce qu'il y a des gens là-dedans que tu te dis, OK, ce serait un recours, un dernier recours? Ou, non, même pas. Même pas. Même pas, okay. Mais bon on sait jamais, là. Peut-être. Mais peut-être, mais elle est un petit peu plus âgée que... que moi, tu sais, de facilement comme je dirais un 15 ans. Là. Quand okay. On se donne... À une mille pour Noël. Oh. Mais as-tu une solution préférée? Ben, l'idée du onesies, du pyjama à pattes, oui. C'est assez intéressant. Toutefois, combiné... Celui qui se snap en dessous de la fourche? Le pyjama à pattes, okay. Ouais, avec peut-être en arrière, où est-ce que tu peux avoir accès aux fesses facilement. Ouais, faire caca. Il s'agirait peut-être... Ah, oh, Mathieu! Ah, excuse-moi. Oh, oui, j'ai essayé de faire sa voix. C'est l'habitude. On dirait que c'est un spécial. Laissez-le terminer son idée. Toutefois, combiné avec le fait de se couper le pénis, c'est assez hot. Ah. Dit, on peut peut-être prévoir une circoncision une semaine, deux semaines avant le party de Noël. C'est sensible. Donc, combiné pyjama à pattes, je viens d'être circoncis aussi. On peut-tu comme juste s'embrasser dans le cou? Punch, musique, puis on s'en va à maison. En plus? T'sais, une fois circoncis, tu peux aller dans des parties de Hanukkah aussi. Ben, si t'es juif, à 13 ans, tu t'es déjà fait chopper. Ah, OK. Toutefois, si t'as assez de prépuces pour te refaire chopper, ben, ça repousse, ça. C'est comme les oreilles. Ça pousse toute ta vie. Les empreintes digitales. Empreintes digitales. Un petit party de perruque. Party de perruque. Hey, ça finit en queue de poisson. Non? Avez-vous des solutions préférées? Ça pourrait être une odeur pour le funky pen. Génial. Funky pen. Oui, solution préférée? Ouais, allez-y donc. Je vous écoute. Non, mais aller juste dans sa famille, je trouve ça intéressant. Quoique, il y a des gens qui ne les ont pas arrêtés, comme Mathieu et mon oncle Guy. Mais. Une fois bandé, pas de parenté. Oh! Zing! Ah, c'est terrible. Non, écoute, petite prescription, antibiotiques, pas d'alcool, tu vas te coucher tôt, bing bang, tu as raison. Faut pas que ma tante Sylvie écoute ça. Pour vrai, là. Oh! On va y envoyer! Le fait de se torcher vraiment solidement aussi, là. Ouais. Mais pour vrai, là, OK, joke à part, là. Mais le boire fait de, vraiment. De vraiment se torcher, là, ouais. Arriver au party, puis dans 5 en 7, avant de s'habiller et se mettre propre, ouais. Tu bois une 6 de Boréal cuivré, tu mets déjà sa brosse bien solide. C'est sûr que tu finiras pas avec personne. Puis, ben. Mais si tu finis avec quelqu'un. C'est quelqu'un de bizarre. Définitivement, mais... Tu vas peut-être pas t'en rappeler, mais tu vas recevoir des photos. Ah, ouais. Des c'est preuves. Assis... Ben sous. Tu sais, t'es comme semi-mou, me semble que tu peux pas te rendre au coït complet. Le pire que tu peux faire, c'est des photocopies. Ouais. Moi, je te suggère une solution, une nouvelle solution, faire exactement ce que les filles détestent. Donc, en arrivant au party, de dire un peu à toutes les filles subtilement, « Hey, à soir, j'ai tellement envie de fourrer, là, c'est malade. » Pour que toutes les filles fassent, « Check le gros colon, c'est sûr, ça arrivera pas. » Fait que même si t'es chaud, même si tu cours après à la fin de la soirée, personne va vouloir parce que t'es trop facile. Sauf que Jean-Philippe, quand eux autres se sont dit, « Mais pour pas tromper mon conjoint, je vais me torcher en sacrament, pleurant à la fin de la soirée. » Hey, lui, il me dit qu'il voulait fourrer. Oui. Non, même à ça, il est trop facile, même à ça. Ça surpasse une affaire, je vous jure. Ah, on finit par faire un train, puis là... Ou peut-être que peut-être les filles vont dire, « Je vais le changer, je vais le rendre difficile. » Tu vas réussir à changer. Je vais le changer. Ah, j'espère qu'il y a des problèmes. J'aimerais inviter Tammy au micro. S'il te plaît. Non, mais qui nous expose un point sur Twitter qui est... Merci. Vous parlez beaucoup de gars, mais les filles aussi peuvent avoir ce problème-là au party de Noël. Oui, ben oui, clairement. Mais peux-tu nous exposer le côté féminin? Ça peut être dangereux. Tellement de pénis qui sentent le beurre. Yeah, centième, il reste accroché. Non, mais c'est vrai que vous trempez pas mal de pénis dans des affaires. Ouais. Ouais. Mais nous autres, on s'interrogeait, les filles. Mais tu peux faire comme un bledding, là. Tu sais, tu peux. What? What? Fred! Hey, ma mère l'écoute. Non, mais vous êtes une gang de gars. Ouais. Le problème soulevé a été soulevé par un gars. Ouais. Nous, on a l'impression d'être oubliés un peu. Ouais. Fait que dans quoi tu veux tremper? Non, okay. Arrêtez. De quoi tu veux enduire ton vagin pour qu'il soit désagréable? Ah. Non. De pica! Je parlerai plus de ma vulve. Plus de ouais. Bon, les deux mots ont été dits. Alors. Hey, je suis content que tu sois sur l'émission, Tammy. Pour vrai. C'est un plaisir. Non, mais ça s'applique aussi aux filles, là, tout ça, non? Oui, absolument. Se chipper complètement. C'est pis, tout ce qu'on trempe, là. Il y en a des pas de morale aussi, là, ça. Des filles. Absolument. Ouais. Absolument. Ben, les filles, faites un nœud dedans. Hey, ça, c'est explicite, c'est sûr. Certaines sportives c'est sont clair. Capables. Hey, mais avant de souhaiter... joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes et bonne année à tous. J'aimerais vous relancer... Notre problème. Le concours annuel. Oui. Oui. Alors, on cherche des solutions au problème suivant. Comment changer le monde pour le mieux avec le moins d'efforts possible? Est-ce qu'il y a de l'aide impliquée? Peut-être. Envoyez-nous vos solutions ou vos blagues. Hein? On ne se le cachera pas. On va en avoir. Donc, continuez de nous écrire. Continuez à nous proposer vos problèmes. Et merci beaucoup à l'équipe de Sonar. Merci, oui, Sonar. Merci beaucoup. Au passage aussi, merci énormément. Ouais. Oh oui, le bar, les passages. Qui nous accueille bien malgré eux. Et à Chassé Toyota qui nous a fourni chacun une voiture. Yeah. Hey, ouh. Tu t'es promené avec les quatre chars. Oui. Alors, voilà. Tout des Yaris. Là. Et de nous avoir écoutés malgré ce manque flagrant. De diction et de goût. Hein? Fred, il est rendu à 12 pintes, là. C'est ça la vérité. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Hey!